Et Paul va, ça a commencé avec, il a reçu des informations de quelqu'un, peut-être Timothée avait écrit à Paul. Il a reçu des informations et là, il va écrire à Timothée pour lui donner des règles de conduite, comment se conduire dans l'Église quand il y a des choses qui se passent dans l'Église. Donc, c'était poussé par le but d'aider à Timothée à faire face à les faux docteurs, les fausses doctrines qui étaient en train de s'installer dans l'Église. Hein. Donc, il était en train de lui dire, fais ceci, fais pas cela, fais ceci, fais pas cela. Donc, on a vu plein de règles qui concernaient les femmes, les hommes, les pasteurs, les diacres, toutes sortes de façons. On a vu des choses se mettre en place pour Timothée. Et je crois que Timothée a dû voir cette lettre-là comme un peu comme un peu d'air frais dans sa vie pour essayer de faire face à toutes les difficultés qu'il y avait dans cette église-là. Et quand vous voyez faux docteur ou faux prophète dans la Bible, il y a toujours quelque chose qui va venir avec, c'est l'argent. Toujours. Il y a toujours un lien entre les faux prophètes qui sont là pour un gain. Et souvent, dans les religions, aujourd'hui, c'est aussi souvent une des critiques des gens en dehors des églises qui critique l'Église, là, l'Église en général, les Églises en général, qui sont là plus pour l'argent que pour d'autres choses. Et je me souviens d'un de mes beaux-frères qui avait dit une fois, dans votre gang, c'est-tu comme aux États-Unis, God bless America. C'est-tu ça? C'est comme ça que vous croyez, voyez les choses, vous autres. Dieu bénis-nous, nous autres, les Américains. C'est bénis-nous, puis qu'on gagne contre nos ennemis, bénis-nous, puis qu'on soit prospère, bénis-nous. Pour... Donc, c'est bien plus matérialiste que spirituellement parlant. Et donc, et quand vous lisez l'histoire de l'Église, jusqu'au 1880 à peu près, l'Église a la réputation d'être une œuvre de charité. Ils disent aide, donne, aide les gens, aide les pauvres, aide les femmes en difficulté. Aide. Il y a toutes sortes d'aides que l'Église a fait. Puis à partir de 1900 vers aujourd'hui, l'Église passe à une autre forme de réputation. Elle est toujours en train de demander de l'argent. Et ils écoutent des émissions à la télévision, ils demandent toujours de l'argent. Toujours. Même les baptistes, ils demandent de l'argent. Si vous voulez soutenir ça, parler de l'argent, puis on va vous donner un livre si vous donnez de l'argent, puis on va vous donner ici, si vous donnez... Ils sont toujours en train de demander de l'argent. Et des fois, il y a une bonne raison. Des fois, c'est... Et la réputation de l'Église en général, c'est qu'elle est très riche, elle possède beaucoup de choses. Et les membres sont moins riches que l'Église, parce que c'est des structures, tu vois, depuis des millénaires. Et elle n'aide plus les gens, vraiment, mais elle s'en sert pour des choses tirées à sa fin. Et finalement, quand elle a passé d'argent, elle organise des bingos. Des super spaghettis, pour essayer de faire des fonds. Puis, toujours en train de vouloir faire de l'argent, parce qu'il semble qu'il en manque toujours. Donc, c'est dans ce sens-là. Puis, pourtant, dans le Nouveau Testament, on n'en voit pas vraiment des questions d'argent dans l'Église. C'est toujours en rapport avec les faux prophètes qui sont là pour avoir de l'argent. Et c'est pour ça que Paul, il va terminer ici son épître, puis il va parler de l'argent. Tout son chapitre, presque, il va en parler. Et il sait que l'argent occupe une grande place dans la vie des gens. Puis on n'a pas besoin d'aller dans le temps de Jésus pour ça. On regarde aujourd'hui dans notre vie, dans la vie des gens, autour de nous et dans notre propre vie. L'argent a beaucoup de place. C'est souvent un sujet de conversation. C'est souvent, si vous écoutez les nouvelles, c'est souvent là. On en parle souvent de ça. Et donc, Paul va en parler parce qu'il sait que Timothée a besoin d'avoir de l'information là-dessus. Et les chrétiens aussi. Donc, dans les premiers versets, il dit au chapitre 6, verset 1, « Que tous ceux qui sont sous le joug de l'esclavage regardent leur maître comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas calomniés. Et ceux qui sont des fidèles, ceux qui ont des fidèles pour maître, ne les méprisent pas, sous prétexte qu'ils sont frères, mais qui les servent d'autant mieux que ce sont des fidèles et des bien-aimés qui s'attachent à leur faire du bien, enseignent ces choses et recommandent-les. Donc ici, à partir du moment où est-ce que les gens se convertissaient, qui joignaient l'Église, donc dans ce temps-là, l'esclavage existait. Hein? Les maîtres existaient. Et les esclavages. Donc, ça a créé des conflits, parce que là, les esclaves ne voulaient plus être esclaves. Ils disaient, t'es mon frère, tu devrais me pas regarder comme esclave. En tout cas, il y a tout un jeu qui s'est fait, là. Et ici, l'apôtre Paul, il dit, mais si nous, on l'applique juste pour ça, on dit, mais c'est pas pour nous autres, parce que nous, on n'est pas esclaves. Puis, tu sais, ça n'a pas rapport avec nous autres. Et nous autres, on se croit que la seule façon qu'on peut l'appliquer pour nous, c'est dans le contexte de notre travail, le contexte du travail qu'on a dans notre société. Les patrons, les employeurs et les employés. Et ici, il dit que si vous avez un employé chrétien ou si vous avez un patron chrétien, il devrait avoir quelque chose qui se passe, ça va se refléter sur là-dedans. Il dit, si vous avez un maître comme chrétien, ou un employeur comme chrétien, n'abusez pas de ça. N'essayez pas de lui monter sa tête parce qu'il est chrétien. Puis vous autres, les maîtres, mais essayez de faire du bien à vos employés qui sont chrétiens. Parce que vous travaillez ensemble pour le même Seigneur, le même maître. Et samedi, j'étais aux noces à Val-d'Or, et j'étais assis avec un couple de chrétiens là, puis il y avait un chrétien là, un entrepreneur. Et les chrétiens ont demandé à l'entrepreneur s'il faisait ces sortes de réparations-là qu'il avait fait dans leur maison. Et du coup, il fait ça. Il a dit, nous, on voudrait, si tu as ta carte, nous laisser ta carte. C'est, l'entrepreneur est chrétien, les deux personnes sont chrétiennes. L'entrepreneur dit, j'aime pas ça travailler chez les chrétiens. Il dit, je pense que je vais refuser, j'aime pas ça travailler chez les chrétiens. Il dit, c'est trop de problèmes. Il va toujours avoir pitché parce qu'on est des chrétiens. Il pense toujours qu'on va faire ça pour rien parce qu'on est un chrétien. Voyez-vous, ça se reflète là. Ce qu'il t'entend dire, ça se reflète là. Je l'ai vu, moi, en fin de semaine. Je dis, c'est bien ça qui se passe. Tu es un chrétien, donc tu vas nous faire ça. Tu vas nous faire du bon, tu sais, là. Tu vas nous faire du bon, tu vas faire ça à meilleur prix. Puis le chrétien, mais là, lui, il est pogné avec ça parce qu'il est comme, il veut pas faire de grabuge. Puis là, c'est d'autres chrétiens, peut-être, même s'ils sont dans son église, c'est encore pire parce que là, s'il fait pas de bon job, ils vont le critiquer parce qu'il va faire des grabuges dans l'église. Moi, j'ai vécu. À Vitréville, on avait un entrepreneur dans notre église à Vitréville, et ça a fait du grabuge à tellement qu'il a arrêté. Ça, là, ça se reflétait dans les relations. Quand il est question d'argent, il semble qu'on devient très. C'est très dur à vivre, à gérer. Tu sais, quand le gars avait planifié, lui, le chrétien, l'entrepreneur, ben, il faisait un bon prix. Tu sais, il disait, ça va coûter 100 000 $ la maison. Mais ça dépassait un peu, 102, 103. Le chrétien, ah, moi, je ne paye pas ça. Il dit, ben oui, écoute, je t'ai fait un bon prix, tu étais un chrétien, donc tu devrais me donner mon 3 000 $ qui me manque, parce que là, j'arrive en dessous presque. Non. Là, ça se mettait à s'ostiner pour sauver 3 000 ou 4 000 ou 5 000 $. Et le chrétien a fini finalement, il dit, c'est fini, j'en fais plus. Parce que ça amenait des grabuges dans l'église. Ça amenait des affaires, parce que c'était difficile. C'était difficile à gérer. Et on ne veut pas dire qu'en dehors, il n'y en a pas, là. Ça veut pas dire qu'en dehors, il n'y en a pas. Il y en a des grabuges en dehors d'église aussi avec les inconvertis. Il y en a des grabuges. Mais c'est parce que là, il se sentait comme plus à l'aise de dire c'est ça. Puis j'ai fait un prix, c'est ça. Il n'y avait pas d'argument. T'sais. Puis là, il n'avait pas envie de faire un meilleur prix parce que c'est un chrétien. Quand c'est quelqu'un qui ne connaît pas, il fait son prix. C'est ça. Puis là, le gars, il ne demande pas, ben là, je suis un frère, c'est vraiment idée. Puis là, il dit, en plus, il dit, quand je fais ça chez les chrétiens invitent des amis chrétiens pour venir m'aider. Là, il dit, ça ne va rien faire. Là, ils me nuisent plus qu'ils m'aident. Là, il dit, ça ne marche plus mon affaire. Il dit, je perds de l'argent finalement parce que j'ai toujours deux, trois gars qui veulent m'aider, mais ils ne connaissent pas ça. Puis là, je te veux que je reprenne en arrière parce que c'est mon nom que je laisse en arrière. Fait que là, il dit, je pense que je n'en ferai pas. Le couple a bien promis, tu rentres avec tes deux employés, puis nous autres, on s'en va. On va être parti pendant 2-3 semaines. Il n'y a personne dans la maison, juste toi et tes employés. Tu fais comme si c'était personne d'autre. OK. C'est comme, il a donné sa carte, mais il dit, on va bien voir. Mais ça m'a fait voir ce que j'étais en train de préparer. Je dis, c'est bien ça qui se passe. Même aujourd'hui, 2000 ans plus tard, quand il y a des frères et sœurs qui travaillent ensemble, on a tendance à vouloir que l'autre, ben, je suis ton frère, je suis ton enseignant, tu sais quoi, aide-moi, mais donne-moi, ben, fais-moi un bon prix, là, t'sais, fais-moi un peu une faveur. Là. Et là, l'autre se sent mal. Pis, et ici, il dit au maître, très très bien, et, tu vois, il traite-la bien, dans le sens, soit honnête, soit franc, soit bon avec eux autres. Puis il dit aux employés, mais c'est pas à cause qu'il est frère, vous devriez abuser non plus. Faites, soyez bon pour ce maître-là, parce que c'est votre frère aussi. Puis si vous deviez travailler bien, travailler le mieux que vous pouvez pour ce frère-là, t'sais. C'est pas abuser du frère parce qu'il est chrétien. Donc, cette pensée-là, la question de l'argent, amène même des grabuges dans l'Église. Et vous voyez, dans 1 Corinthiens 6, les chrétiens se traînent en cour. Vous pensez, c'est pourquoi, là? Parce que la pelouse a poussé moins vite chez eux? Ben non. Question d'argent, probablement encore. Il y avait toujours, c'est toujours là. Puis moi, je vous dis, en 30 ans, j'en ai vu de ça dans les églises. On sous-estime, chez les chrétiens, le danger de l'argent. L'emprise que l'argent peut avoir dans la vie d'un croyant. On a comme, oh, ben, on est chrétien, ça n'a pas d'importance, l'argent, ça n'a pas d'importance, on n'est pas attaché à ça. Mais pourtant, ça fait sa marque chez les chrétiens. Donc, ce que moi j'ai entendu depuis que j'ai mon expérience, les chrétiens qui travaillent avec les chrétiens, en règle générale, à long terme, ils arrêtent. Ils ne veulent pas, c'est un facteur de grabuge. Parce que c'est comme des fois, à soi, j'écoutais une émission sur la construction, puis souvent les grabuges dans la construction, c'est j'avais engagé un ami pour le faire. J'avais engagé un ami pour le faire. Et l'ami, on dit faire confiance, puis on ne pense pas qu'il va nous en passer une petite vite en dessous de la table, finalement, ils se font avoir. Parce que quand, avez-vous déjà entendu ça? Quand c'est question d'argent, il n'y a plus d'amis. Il n'y a plus d'amis, hein? Vous avez déjà entendu ça? En affaires, il n'y a pas d'amis. Ça semblerait que l'argent, elle coupe les pieds à tout le monde, puis c'est... Ta mère, ton frère, ta soeur, ça semblerait que tu... Puis on entend parler des héritages, comment ça chicane, comment ça divise les familles. Encore de l'argent. Donc, faut pas sous-estimer. Quand il y a une question d'argent dans l'Église, puis moi, je me souviens, la dernière fois qu'on a pris cet employé-là à Vitreville, il a fait un... parce qu'on voulait doubler la grandeur de l'Église, puis on lui a demandé de nous faire un prix. Puis il nous a fait un prix. Puis moi, j'ai dit au conseil, on rajoute 20 000. Il sous-estime toujours plus bas parce qu'on est des chrétiens. Ça va nous coûter plus cher, ça. Et ça, finalement, ça nous a coûté 118 000. Puis il avait planifié 105, il avait fait 118. Il ne planifiait pas assez parce qu'il voulait faire du bien à l'Église. Puis là, il était payé avec 13 000 piastres qui ne faisait pas d'argent. Nous, on avait dit, on va te donner ce que ça coûte. On va y aller avec le 105. Si ça coûte plus cher, on va te le donner. On planifie 125. On a planifié 125. Ça a fait ça. Parce qu'on le connaissait un petit peu. C'était un gars qui était un peu, pas bonasse, mais il voulait toujours pas charger trop cher. Puis là, mais dans l'Église, là, je savais que nous autres, tous les chrétiens étaient prêts à être sur le chantier de construction pour aider. Ça retarde un contracteur, ça l'aide pas un contracteur. Parce qu'on travaille pas, on travaille pas correct, on travaille pas assez vite, on travaille pas bien. Tu veux nous redire, nous reprendre. Mais on voulait impliquer les chrétiens dans le processus de construction. On savait que ça ne nous aidera pas financièrement. Ça l'aide jamais, financièrement. On pense que ça va nous aider. Mais finalement, à long terme, ça ne fait pas ce qu'on pense de faire, même dans nos églises. Donc, première chose, dans l'Église, Paul dit à Timothée, quand les frères, si tu connais des frères et des sœurs qui travaillent ensemble, ou maîtres-esclaves, ou employeurs-employés, parle-leur, dis-leur, fais attention quand c'est question d'argent. De dire, oh, moi je dis tout le temps, j'ai fait une vente de ma maison à un chrétien, mais j'ai vendu ma maison à un chrétien, bon, chez nous, ma première maison. J'ai dit, sinon on fait des papiers, on fait des papiers. Pas question. Je ne te considère pas comme un frère. Parce que on est juste deux personnes. Puis j'ai vendu la maison. J'ai fait moins cher. Un peu moins cher parce que c'était un chrétien. Mais on dit, on va faire ça. Puis je ne parlais pas d'argent. Je lui dis, si tu ne veux pas avoir cela, c'est beau, c'est mon dernier prix, puis va t'en acheter un autre ailleurs. Mais là, on a fait des papiers. On était chez le notaire. On a fait pareil comme ça. On était deux étrangers. Au moins, c'est les papiers. La vie, mon père disait tout le temps, les bons papiers, ça fait des bons amis. Mm-hmm. Vous avez entendu ça souvent, hein? Mm-hmm. Donc, on fait des papiers, puis c'est là, écrit, puis c'est là. On n'a pas besoin de s'assistiner là-dessus. OK, donc ça, c'est la première chose qu'il leur dit. Il dit, fais attention, parle aux employeurs, aux employés, puis dis-leur que de faire attention, parce qu'ils sont, Ils sont dans la mire, ils sont dans un piège, ils sont en danger de se quereller à cause de ça. Donc, donne-leur ce conseil-là. Servez vos maîtres, puis servez-les bien, ils sont vos frères. Vous autres, c'est des frères, c'est des sœurs, mais donnez-leur un bon salaire, puis vous autres, faites-leur du bien, puis abusez pas d'eux autres. Tu sais, un patron, qu'est-ce que ça veut faire un patron? Ça va les employer le moins cher possible pour faire le plus de salaire, le plus d'argent possible, clair. Mais t'es pas obligé de. Là, avec tes frères et sœurs, tu peux faire du bien, traite-les comme des frères et sœurs. Donc, automatiquement, essaye de les aider là-dedans. Moi, à chaque fois que je sais qu'il y a des frères et sœurs dans l'église qui sont pour se mettre en business ensemble, à chaque fois, je vais les voir. Chaque fois, je vais aller voir. Je vais leur parler. Attention, j'aime ça qu'on se parle avant. Il y a un conseil. Faites ce qu'on voulait après, mais je vais donner des conseils. Puis, je dis, voici ce qui arrive, voici ce que j'ai vu comme expérience dans les églises. Faites bien un notaire, entendez-vous, mettez ça sur papier, mettez-vous des témoins là, faites ça en règle pour ne pas faire de grabuge dans l'église. Vous ne seriez pas obligé de vous traîner en cours tout à l'heure, dans l'église, entre frères et sœurs, puis vous destiner à épouvantable. Et je l'ai eu, c'est à l'église, je l'ai vu, c'est à Mont-Tremblant, ça s'est passé à Mont-Tremblant, écoute, des petites affaires, puis ça n'a pas été trop loin, mais ça s'est passé. Aussitôt que tu te mets à faire, déposer de l'argent, si c'est de l'entraide, tout le monde a de l'entraide, c'est correct. Mais surtout qu'on se met à parler d'argent. Ah, oh, il ne paye pas. Mais là, tu veux pas trop le pousser, c'est ton frère. Tu ne vas pas commencer à dire, ben écoute, m'a envoyé une lettre d'avocat, puis il m'a dit, mon frère, de quoi, m'a traîné. Non, patiente. Finalement, ça dure. Puis là, l'irritation monte. Puis l'église, on le ressent dans l'église. Là, les gens commencent à se tiroyer dans l'église. On ne sait pas trop pourquoi. Finalement, c'est parce qu'il y a un deal d'argent en arrière. C'était un problème. Donc. J'ai dit à quelqu'un cette semaine, c'était ma fille Anne, j'ai dit, on est tous des mathématiciens ici dans la tête, tout le monde. On compte. Je t'ai fait ça, tu ne m'as pas fait ça, toi tu m'as fait ça, moi je t'ai pas fait ça. Moi je t'ai allé trois fois, tu n'es allé qu'une fois, puis on compte dans notre tête. Puis quand ça devient déséquilibré, là, on chicane pas. Puis qu'on veut, qu'on veut pas, on chicane pas. Ça prend une maturité très grande. Pour arriver à surmonter ça, puis supporter, pas les supporter, même de perdre vos affaires, au lieu de vous traîner en cours les uns les autres. Hein. Donc, c'est dans ce sens-là. Mais ça prend une certaine maturité pour aller à ce point-là. OK? Deuxièmement, il va donner certaines directives aux hommes de Dieu. OK? Les gens qui vont travailler dans l'œuvre de Dieu. Et il va leur donner aussi un avertissement. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines, il ne sache pas. Ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété. Il est enflé d'orgueil, il ne sait rien. Il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots. D'où naissent les envies, les querelles, les calomnies, les mauvaises soupçons. Les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité, et que croyant, quoi, que la piété est une source de gain. Première chose qu'on a appris quand j'étais à l'école, quand tu es en train d'étudier pour devenir pasteur, c'est une des choses qu'ils nous disent. L'église, ce n'est pas une place pour faire de l'argent. Tu ne vois pas ça comme une place, premièrement, je m'en vais faire de l'argent. Ça va être une source de gain pour moi. Ils ne disent pas qu'on ne peut pas être payé, mais il ne faut pas que tu le vois comme je m'en vais faire de l'argent. Ça va être un moyen de faire de l'argent. Il ne faut pas que tu le vois de même. Il ne faut pas que tu le vois comme ça. Et la plupart des gens qui font partie de mouvements, puis les faux prophètes, eux autres, ils parlent de quoi, là? Ils parlent de ces gens qui enseignent des fausses doctrines, des orgueilleux, et ils croient, qu'est-ce qui fait que toutes ces choses-là arrivent? Ils croient que la piété est une source de gain. À partir de là, là, ils vont manipuler, ils vont faire un paquet d'affaires pour, comme on va voir, moi je vois dans notre société, dans notre génération, les pauvres de notre monde sont une source de gain aujourd'hui et on les utilise pour faire de l'argent. On n'a pas à cœur les pauvres, mais les pauvres, c'est un moyen pour faire de l'argent. Donc, on les utilise au nom de ces pauvres-là, on veut avoir de l'argent et on garde 80% de ce qu'on leur a demandé et on donne un petit 20% aux pauvres. Le 80%, qui l'a eu? C'est l'administration, c'est les salaires, c'est ici, c'est ça, c'est... C'est devenu une business, les pauvres. Une business. Ce n'est plus un ministère. Ce n'est plus quelque chose que dire. Anciennement, les gens se privaient pour donner, puis c'était tout du bénévolat, souvent. Aujourd'hui, c'est devenu une business. Donc, Si c'est pas payé, on ne fera pas. On ne fera pas. Donc, ils ne me présentent pas comme ça. Mais c'est ce qu'on perçoit avec le temps. Et c'est pour ça qu'on va voir, on va entendre toutes sortes d'affaires de malhonnêtes, de tricheries, de fraudes qui s'est fait, de détournements, de fonds qui a été. Pourquoi? Parce que les gens étaient là pour ça. Donc, il dit, quand tu vas voir des gens qui enseignent des fausses doctrines, qui sont enflés d'orgueil, il y a des disputes de mots, d'envie, des querelles, des calomnies, des soupçons, des discussions d'hommes corrompus, il dit, en arrière de ça, il y a une raison. Pourquoi ils sont dans l'Église, là, ces gens-là? Pourquoi ils sont là s'ils n'enseignent pas la doctrine, l'Évangile? Qu'est-ce qu'il fait dans l'Église s'il n'est pas là pour l'amour de Dieu, puis l'amour de la gloire de Dieu, puis l'avancement de l'Évangile? Il est là pour une autre raison. Et l'autre raison, c'est la source de gain. Il y avait un vieux dicton, je ne sais pas si c'est vrai, on lit ça dans les livres. Il disait, dans le temps de Paul, il disait, si quelqu'un vient à l'Église pour enseigner et qu'il reste plus que 3 jours et qu'il demande de l'argent, c'est un faux prophète. On lit ça dans les lettres qui datent du temps de Paul, mais entre les églises, il s'écrivait, si quelqu'un vient à vous et qu'il veut rester plus que 3 jours et qu'il vous demande de l'argent, c'est un faux prophète. C'était assez serré, hein? 3 jours, c'était pas long. Non. Et c'était comme ça, souvent. Paul, il restait souvent plus que 3 jours, mais il ne demandait pas d'argent. Il ne demandait pas d'argent. Puis il allait travailler, que ça ne marchait pas. Il allait travailler, lui. Donc, si ça allait durer plus que 3 jours, trop longtemps, il allait travailler. Quand il recevait de l'argent de d'autres églises, là, qui les gens donnaient de bonne foi, gratuitement, il ne demandait pas. Donc, automatiquement, les gens, ils lâchaient de travailler, puis ils se mettaient à faire ça en plein temps. Ou des fois, il y avait une équipe avec lui. L'équipe travaillait, lui, il ne travaillait pas. L'équipe, il faisait vivre. Il était 10, 7, 8 ensemble, qui faisait un travail séculier, puis il faisait vivre Paul. Il ne faisait pas vivre dans un château, mais il faisait vivre. Il donnait à manger pour que Paul puisse se consacrer à la prédication, à l'enseignement, à écrire des lettres, à faire les affaires qu'il avait à faire, à former des nouveaux disciples, à former des nouveaux pasteurs, des anciens, pour qu'ils puissent les mettre en place. Donc, c'est toujours dans ce temps-là, dans ce nom de Galates, chapitre 6, c'est « tu partageais tes biens avec l'autre, tu partageais tes biens ». Donc, souvent, on partageait la maison, on partageait la nourriture, on partageait les repas avec ces gens-là. Et aujourd'hui, c'est plus difficile. Ce que les chrétiens font, ils vont donner des argents, puis c'est plus facile de gérer ça comme ça aujourd'hui. Mais si quelqu'un est toujours en train de vous en demander, une fois à Montréal, j'étais sur le conseil de l'association, puis il voulait faire venir un homme pour motiver les chrétiens à donner de l'argent. Un gars des États-Unis. Un espèce de vendeur, je me rappelle ça. Là. Et mon ami, je me suis levé comme ça. J'ai dit, non, monsieur, moi je vais voter non, c'est sûr. Je ne veux pas avoir ça chez moi. J'ai dit, ces affaires-là, là, de brassage, d'émotion pour avoir de l'argent, là, dit, c'est quoi le but? Là? Les chrétiens ne donnent pas de bon cœur? C'est quoi l'affaire? C'est quoi qu'on veut? Là, mais ça marchait. Fait que, quand les églises veulent avoir tellement d'argent, là, ils mettent de la pression. Ils vont mettre de la culpabilité chez les gens pour que ça bouge. Mais les chrétiens, comme ça, ça dure juste un temps. Ça fait ça. Mais quand les chrétiens donnent avec joie puis donnent de bon cœur, Ils vont donner. Moi, j'ai vu des affaires dans des églises où j'ai travaillé, à Trévil, premier temps. On disait aux chrétiens, arrêtez de donner, on a trop, on ne sait pas quoi faire avec. Gardez-la votre argent. T'sais. On disait d'arrêter de donner. Mais il y en avait. Puis c'est parce qu'on avait besoin de pour bâtir. C'était 90 000 piastres qu'on avait besoin. Puis finalement, on disait arrêtez, on a trop. On est rendu à 100 000. On n'a pas besoin d'avoir ça. Donc, c'était quand les gens veulent quelque chose, les chrétiens ont encore quelque chose, puis qu'ils veulent quelque chose, ils vont donner. Ils vont donner. Tout le monde va mettre de la pression dessus. Quand tu vois des tordes le pied, là, c'est que toi, tu veux quelque chose, puis les chrétiens ne voient pas. Ils ne sont pas vendus à l'idée. Ils ne voient pas le besoin de ça. Quand ils ne voient pas le besoin, il faudrait que tu écorches les pieds si tu veux qu'ils donnent. Mais s'ils voient le besoin, puis qu'ils ont à cœur ces affaires-là, puis c'est ça qu'ils veulent faire, c'est tout ça, en tant que chrétien, ils vont mettre les mains dans les poches, ils vont donner. Mais c'est juste une question de ça. C'est pas une source de gain. La piété, la foi chrétienne, c'est pas là pour faire de l'argent. C'est pas là pour faire de l'argent. Donc, c'est ça. C'est une des règles. Donc, le faux prophète, on va le voir que lui, ça devient une source de gain pour lui. Puis il dit, moi je dirais que si tu vois un chrétien qui veut aller dans le ministère, qui veut devenir un pasteur ou un ancien, avertis-le que c'est pas une source de gain. C'est pas une source de gain, ça va être ça. Ça veut pas dire qu'il n'y aura pas un salaire ou de l'argent, parce qu'ailleurs, il a dit il va dire d'autres choses, de lui donner une double honneur ou un salaire. Donc, c'est pas qu'il veut pas qu'il soit de l'argent. Mais tu ne le fais pas. Tu ne vois pas ça comme une source de gain. OK? Ensuite, ça, il dit au verset 6 à 10, c'est en effet une grande source de gain, la piété, avec le contentement. Il dit, c'est une grande source de gain, la piété, avec le contentement. Car nous n'avons rien à apporter dans le monde Il est évident que nous n'avons rien, que nous ne pouvons rien emporter. Donc, il dit, on est arrivé nu, puis on part nu. Donc, pourquoi ça ne devrait pas être une source de gain? Tu devrais te contenter de ce que tu as, parce que dans le fond, tu n'emporteras rien avec toi. La plupart des gens meurent avec un surplus. On dit tout le temps, il y avait de l'argent, il passait de la mine dans sa tombe, quoi, son argent, tu sais, qu'est-ce qu'il fait? Puis j'ai entendu, moi, je ne sais pas si c'est vrai, j'ai peut-être entendu des histoires, les gens voulaient le faire enterrer avec leurs argent, c'était marqué dans leur testament. J'ai entendu une fois, mon père avait dit une fois, qu'il avait fait un gros chèque, là, puis ils l'ont mis dans la tombe. Le chèque n'était pas bon, il n'avait plus l'encaissé, puis l'argent est resté là, puis ils l'ont utilisé. Ils ont mis son argent dans la tombe. On va te la mettre, ton argent, dans ta tombe. Juste pour le... Tiens, pour respecter ses derniers vœux. Parce que tout le monde meurt, puis souvent ils ont des surplus. Pourtant, ils ne peuvent pas rien emporter. Les millionnaires, les milliardaires, ça reste, tu n'en as rien. Le proverbe dit, ils ne vont pas vraiment faire avec ton argent ce que toi, tu n'aurais pas voulu faire. C'est dans le proverbe. Si tu laisses 100 000 à ton gars, là, ça ne veut pas dire qu'il va faire ce que toi, tu aimerais là, avec cet argent. Il va peut-être faire des choses même que tu n'aurais pas voulu qu'il fasse. Oui. Il va peut-être même se donner un Québécois, comme on dit des fois, peut-être devenir un fourette, puis il va partir, il va peut-être de la boisson, ci, de ça. Il faut faire attention, c'est pas tout le monde qui va gérer, qui est capable de gérer ça. Mais pour encourager les gens à ne pas voir la piété comme une source de gain, mais il dit t'en pas trop rien, mais tu pars. T'en pas trop rien. Ça reste là. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Donc, il est en train de dire contente-toi du nécessaire de la vie. C'est pas de devenir d'avoir des fonds. Il dit ça dans Matthieu, hein? Les trésors qui s'accumulent, ben ça pourrit, puis ça roule, puis ça finit par s'en aller. Tu sais, à quoi ça sert d'avoir tant? Ça sert d'avoir tant. C'est souvent un reflet d'un manque de sécurité. Ou, aujourd'hui, ça peut être aussi une façon de se valoriser, d'avoir un standing. J'ai réussi dans la vie. Regardez ma maison, regardez mon char, mon compte de banque, j'ai réussi dans la vie. Tu sais, souvent, c'est comme ça. Le pauvre est un peu dénigré, le riche est valorisé beaucoup. On le met à la télé, on le met sur les murs, on le met partout. Le pauvre, fait que là, le pauvre, qu'est-ce qu'il veut? Il veut sortir de son trou, puis de lui-ci, parce qu'il veut de la valorisation. Et tout, il veut avoir de l'approbation de la société. Donc, j'ai vu un gars, la fin de semaine passée, qui discutait avec une personne qui était sur le bien-être social, et ça faisait dur, dénigré. La personne sur le bien-être social se sentait attaquée. Puis là, on dit, t'as pas d'affaires, d'être sur le bien-être social, travaille, t'as fait comme tout le monde. Je te fais pas vivre, moi. Je suis un citoyen, fait que tu te fais pas vivre. T'es capable de travailler, t'es jeune, t'es en santé, travaille. Et ça s'ostinait, moi. Ouais, ben là. C'est ça. Tout ce que je veux dire, c'est que ça sortait comme ça. Parce que la personne, il ne voyait pas le pauvre comme un vrai pauvre. Lui, il voyait, il se sentait comme la société est abusée par ces gens-là. Pas tout, probablement, il sait bien et tout. Mais on sait qu'il y en a une partie qui abuse du système là-dedans aussi. Pas tout, il y en a. Mais on sait très bien, je me souviens d'avoir entendu quelqu'un demander à cette femme-là. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Elle a bien de la misère à dire qu'elle se bien. Elle essaie de sortir ça. Oh, mais présentement, je ne travaille pas. Elle a une certaine honte de dire à tout le monde alentour, moi, je suis BS. Ce n'est pas quelque chose que tu te vantes, là, hein, généralement. Hein. Mais si tu as un job de 25 places de l'heure, demain, je travaille pour. Là, c'est valorisant. Donc, c'est un petit peu dans ce sens-là. Et ici, Paul, il dit, si on ne se contente, si on a un contentement, mais c'est bien, ça va nous empêcher de voir l'Église ou la piété comme une source de gain. Si, et pourquoi qu'il dit que c'est une grande source de gain, la piété, avec le contentement? Ça veut dire que tu n'es pas là, tu ne pratiques pas ta foi pour ce que tu peux avoir, mais tu te contentes du nécessaire à la vie et tu continues à pratiquer ta foi pour la gloire de Dieu. Tu n'es pas là pour ce que tu peux avoir, parce que tu te contentes de ce que tu as. Et tu vas fonctionner. Paul n'est pas ici contre le fait d'améliorer notre vie. C'est ça que tu as. C'est que tu n'es pas là, tu ne vois pas la foi dans ce but-là. Puis moi, j'ai vu beaucoup de chrétiens qui utilisent la prière pour améliorer leur vie, leur standing de vie. Parce qu'ils voient Dieu comme un moyen d'améliorer. Mais moi, je crois plutôt que si tu peux améliorer ton système de vie parce que tu travailles bien, ou tu fais un effort, ou tu vas aux études, tu améliores ton système de vie, c'est correct. Mais c'est pas tu n'utilises pas la foi ou Dieu pour améliorer ton système de vie. C'est pas là le but. C'est pas ça qui est le but. Et ça veut pas dire qu'on ne peut pas demander à Dieu ce qu'on a besoin. Mais c'est certainement pas ça combien de gens vont pratiquer une religion quelconque, peu importe la religion qu'on parle. Quand ça va mal, puis on a un problème, là, ils vont aller dans les églises, ils vont aller faire brûler leur lampion, ils vont aller faire ci, ils vont aller faire ça, ils vont se mettre à prier, parce que là, ils ont besoin, puis là, ils vont prier plus. Donc, ils voient la religion comme un moyen, la foi, comme un moyen de sortir des difficultés. Et Paul dit, la source, la piété, quand elle n'est pas là avec le contentement dans ce que je suis comme ça, c'est ça qu'il va dire ailleurs. Tu es venu au Seigneur esclave, ben reste esclave. Tu es venu au Seigneur pas esclave, ben reste pas esclave. Tu sais, contente-toi. Puis essaye pas de prendre la religion comme un moyen de sortir de tes affaires. C'est pas là pour ça. Et on vient à la foi pour servir quelqu'un et non pas pour s'en servir. Une grosse différence entre les deux. Okay? Donc, tu fais attention, l'argent est un piège. Okay? L'argent n'a pas de pas au ciel. L'argent est un piège. C'est ce que je dis au verset 9. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Donc, il dit, attention, l'argent est un piège et un piège de perdition. Puis si vous lisez la Bible, vous allez voir beaucoup de gens qui vont suivre Jésus pour un temps, quand ils voient que Jésus n'est pas là pour combler leurs besoins, ils quittent Jésus. C'est devenu la perdition. Sais-tu que Jésus, c'est la perdition? Il y en a qui sont venus, moi j'ai vu des gens venir dans les églises évangéliques, et quand Dieu ne répondait pas à leurs prières, dans leurs besoins de tous les jours, dans leur de santé, de matériel, d'argent, de job, ils quittaient l'église. Ça va. Si Dieu n'est pas capable pour voir nos besoins, puis nous aider quand ça va mal, tu sais, on va en dire. À quoi ça sert un Dieu comme ça? Donc, si tu veux t'enrichir à partir de la piété, bien entendu, tu vas tomber dans toutes sortes de pièges. Toutes sortes de pièges. Et si tu vois la foi comme une espèce de gain, bien automatiquement, si ça ne vient pas, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas quitter. Tu vas quitter. Donc, c'est pour ça que tu vas voir des gens qui suivent Jésus longtemps, coup de quoi, puis ils partent, ils s'en vont. Ils partent. Judas. On voit Judas dans cette position-là. Il suit Jésus parce qu'il croit que Jésus va amener le royaume puis qu'il va être assis à première place avec la gang. T'sais. Puis quand ça ne passe pas, Jésus dit, ben non, donnez à César ce qui est à César puis ça va vendre pour 30 pièces. 30 pièces d'argent. Donc, lui tout, il n'était pas rien que son argent. Donc, il suivait Jésus pour une source de gain. Puis il est appelé le fils de la perdition. Il y a des personnes chrétiennes qui imaginent pas plus comme ce qui est écrit dans l'Ancien Testament. C'est que si on sert Dieu, je ne sais pas si on sert Dieu, mais si on accepte le Seigneur, qu'il va nous bénir matériellement, qu'il va nous bénir. Si c'est la raison pour laquelle ils viennent à la foi, c'est que ces choses-là viennent après la foi. On ne les a pas évangélisés avec ça. Souvent, dans ces mouvements-là, ils évangélisent avec l'Évangile. Oui. Repends-toi, crois au Seigneur Jésus, sois sauvé. Après, on leur dit, s'ils sont des bons chrétiens, ils vont avoir de l'argent. Et là, ça ne les enlève pas ce qu'ils ont reçu au début. Okay. Ça ne les enlève pas ce qu'ils ont reçu. Ils vont souvent malheureux. Ils vont être déçus. Ça, ils vont souvent être malheureux. Et souvent, ça peut faire ressortir un problème sur une autre facette. Mais ça dépend de la personne. Moi, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, l'Évangile qui est proclamé présentement, depuis une vingtaine d'années, c'est un évangile centré sur les besoins d'être humain. Viens Seigneur Jésus, tu vas au ciel, viens Seigneur Jésus, tu vas bien aller, viens Seigneur Jésus, tu vas mieux t'aller, viens Seigneur Jésus. C'est vraiment centré sur l'humain au lieu de centré sur Dieu. Il dit, viens Seigneur, viens à Dieu, puis tu vas pas le servir, viens Seigneur Jésus, il va te donner la capacité de servir ton Dieu. C'est pas ça. C'est qu'on leur dit, crois Seigneur Jésus, puis il va te donner quelque chose. Le bonheur, la joie, la vie éternelle, puis c'est ça. Puis et donc, tu viens pour avoir... Parce que là, on ne parle pas de la repentance dans ces moments souvent. Donc, la repentance, c'est reconnaître tes pécheurs. C'est ça, la repentance. La repentance, c'est pas ça. La repentance, c'est... Le péché, c'est l'expression que je suis quelqu'un qui veut se servir de Dieu. C'est ça, le péché. Donc, maintenant, je me repens. Moi, je veux prendre ma position de créature, puis je vais servir mon Créateur. C'est ça que... C'est ça que Dieu est si colérique dans l'Ancien Testament quand les gens se détournent de lui puis se tournent vers d'autres dieux. Il dit, tu ne te feras pas d'image taillée pour les servir aux autres. C'est moi que tu dois servir. Quand Israël le faisait, Dieu les éliminait. Dieu amenait l'esclavage, la destruction. C'est parce que quand c'est ça qu'on appelle l'idolâtrie. C'est pour ça que la Bible va dire, Paul va dire, que l'amour de l'argent est une forme d'idolâtrie. Hein? L'amour d'argent est une forme d'idolâtrie. Parce que c'est l'argent qui devient notre maître. On sert maman pour nous servir Dieu. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, il dit que l'amour de l'argent, ceux qui veulent s'enrichir, souvent, ça va les amener à la perdition. Parce qu'ils ne voient pas la piété. Ils voient la piété comme une source de gain. Au verset 10, il dit que l'amour de l'argent est une racine de beaucoup de maux. Quelques-uns en étant possédés se sont égarés de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Donc, des gens qui veulent de l'argent, puis ils veulent utiliser Dieu, puis ils veulent utiliser la foi pour s'enrichir, ils tombent dans bien des maux, bien des problèmes, bien des difficultés. Finalement, ils s'égarent loin de la foi. Mais ça va vers la perdition, dans le fond, comme dans l'autre passage. Et c'est ça, et vous allez voir, Paul, puis Pierre, puis ils vont tout le temps parler de ça. Jacques en parle. Et Paul en parle ici un petit peu dans Timothée, il va en reparler un peu plus loin. Donc, c'est vraiment faire attention de ne pas. Il faut se méfier de cela. Il ne faut pas non plus faire miroiter. Il ne faut pas faire miroiter aux inconvertis que la vie chrétienne va leur emmener quelque chose, mais que la vie chrétienne, c'est quelque chose que tu viens donner à Dieu, mais servir Dieu. Donc, c'est vraiment dans ce sens-là qu'il faut le faire. Donc, à partir du verset 11, c'est marqué que pour toi, homme de Dieu, là, tout à l'heure, il parlait de ceux qui ne venaient pas pour la bonne raison, il dit pour toi, Timothée, homme de Dieu, fuis ces choses-là. Recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé, pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement, de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, qui manifestera en son temps le bienheureux et le seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité et qui habite une lumière accessible que nul homme n'a vue et ne peut voir, et qui appartient l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Donc, il dit aux hommes de Dieu, eux autres, de ne pas aller dans l'autre direction, mais de pratiquer la sainteté, de vivre le bon combat, de persévérer dans la foi jusqu'à temps que Jésus revienne. Et quand Jésus va arriver, là, tu vas être, je pourrais dire, enrichi. Tu vas avoir les nouveaux cieux, nouvelles terres, tu vas vivre là, tu vas avoir un corps parfait, tu vas avoir la santé parfaite, on peut dire demain. Tu vas avoir la bénédiction de vivre dans un monde parfait, où il n'y a plus de tristesse, plus de mort, plus de pleurs, tout ce qu'on veut. Il y a une source de gain. C'est vrai que toute personne qui voit la piété voit une source de gain, mais pas ici, pas de cette façon-là, mais d'un autre genre de façon. Que à la fin des temps, quand le roi va revenir, ce peuple-là, lui, il va tout avoir maintenant après ça. Parce que moi, je crois que les chrétiens ne vont pas s'en aller s'accrocher après un nuage dans le ciel avec une harpe puis jouer. Là. C'est comme on voit dans les images, là, les anges qui jouent. C'est pas ça, les chrétiens sont sur la terre. Tu sais, là. Ils sont dans un nouveau corps, mais un nouveau ciel, une nouvelle terre. Ils sont sur la terre. C'est ça la terre. Dieu nous a créés pour être sur la terre. Il nous a pas créés pour être au ciel, nous autres. Mais ils vont être d'une façon qui va être heureux tout le temps. Ah oui, parfait. Parfait, c'est le bonheur éternel. Là. Dieu est là, même avec nous autres, sur la terre. Le travail n'est pas une malédiction. Ouais. C'est devenu une malédiction après le péché. Okay. Dans le paradis, il devait cultiver le jardin. Ouais, on va faire des... Bon, j'espère qu'on ne s'assiera pas sur une roche pour attendre que le soleil se lève. Puis, il n'y aurait même pas de nuit dans ce qu'on dit. On ne dormira pas. Il n'y aurait pas cette forme. Le travail, d'abord, ne sera pas fatigant. C'est pas la même sorte de façon de faire les choses. Il va être plaisant. Ouais. Puis, pourquoi il est fatigant pour nous? C'est parce qu'on est vulnérable, on est faible, on est malade, on vieillit. Puis la température. Mais ce qu'on sait dans un monde, je crois pas que dans le paradis, Adam et Ève, qu'il y avait une activité à faire. Oui. C'était pas une malédiction. Là. Le péché, le travail est devenu une malédiction après le péché. C'est Tu vas travailler. Maintenant, il dit, ah, ben, à partir de maintenant, tu vas travailler à la soirée de ton front. Et là, il dit, tu vas semer des patates, tu vas pousser des mauvaises herbes, des rapports, des affaires. Ça va être dur de manger. Oui. Mais à ce temps-là, c'était pas de même. Tu sais, avant ça, tu allais ramasser tes pommes, tes pêches, puis tu allais manger. Tu travaillais, tu faisais de quoi? Mais c'était pas dur. Il n'y avait pas de malédiction qui était là, dans ce sens-là. Donc, il ne faut pas penser qu'on va être accroché après un nuage. Moi, je ne veux pas être accroché après un nuage avec ma harpe et jouer toute l'éternité, ça va être plate. Les musiciens, peut-être, ils auraient ça. Peut-être. Ils feront de la musique pendant qu'on ramasse les pêches. Ils feront chanter. Parce que, je ne sais pas, c'est pas facile de déterminer tout ce qu'on va faire. Ben non. Mais il dit, mais que le maître vienne, toi, l'homme de Dieu qui va avoir vécu de la sainteté, tu vas marcher avec lui, tu vas persévérer, tu n'as pas vu la foi comme un gain monétaire ou matériel, mais que lui, il va venir. Maintenant, là, après ça, tu vas pouvoir être récompensé dans ce sens-là. Donc, cherche-le pas, il va te le donner. Donc, les hommes de Dieu dans l'Église, si vous percevez qu'un homme ou un pasteur est là pour l'argent, ça va devenir difficile de le voir. Ça va devenir difficile. C'est très douloureux. Puis c'est toujours être poussé dans le tas pour avoir de l'argent, pour avoir de l'argent, pour avoir de l'argent. Il y a des pasteurs qui poussent pour avoir de l'argent, pour avoir des baptistes, pour des argent, pour faire ci, des gens faire ça. Tu es toujours en train de vouloir plus. Ça devient fatigant sur les chrétiens. Moi, s'il faut vivre avec le contentement dans nos vies, il faut que l'Église vive dans le contentement aussi. Avec ce cas-là. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne devait pas s'encourager à donner à l'œuvre de Dieu, mais s'il rentre 50$, on vit avec les 50$, sans se lamenter personne. S'il rentre 500$, on vit avec les 500$, sans se lamenter personne. Si on n'a pas l'argent pour s'acheter une bâtisse, mais on en loue une qui nous coûte rien. On dit merci Seigneur, on fonctionne avec ce qu'on a. C'est ça. Si on ne l'a pas, on ne l'a pas. Si on l'a, mais on essaie de le gérer le mieux possible, tout simplement. OK? Là, on va terminer avec le verset 17 et 19. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité. Libéralité, c'est de donner généreusement, ou de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Donc, ici, il donne une dernière recommandation. Il dit, aux ceux qui ont de l'argent dans ce siècle, les chrétiens qui se sont convertis et qui ont beaucoup d'argent, il les met en garde d'être orgueilleux. Attention à l'orgueil, parce que tu peux en tirer de l'orgueil, d'avoir plus que les autres. OK? Et il dit, fais attention à ça, parce que ça peut être aussi un échappatoire pour te fier à ce que tu as dans ton compte de banque, plutôt que de se fier au Seigneur. Donc, il y a une fausse espérance, une fausse attente. Puis, il dit faire attention à ces gens-là de ne pas être égoïste. Mais si tu as de l'argent, de partager avec ceux qui en ont. Donc, dans l'Ancien Testament, Dieu disait une place. Il dit, je vais faire qu'il y ait toujours des pauvres parmi vous, afin que vous donniez. C'était comme Dieu voulait qu'il y ait des pauvres, pas qu'il reste pauvre, mais que les autres donnent à ces pauvres. C'est surtout qu'il y avait des lois, des règlements dans la société juive pour donner aux pauvres. Donc Dieu avait installé des règlements. Comme si tu allais, mettons, si tu en allais de ta ferme, de ton champ à ta grange, puis tombait une gerbe de blé à terre, tu ne vas pas la ramasser. Ça, c'était pour le pauvre qui passait en arrière de toi. Tu ne peux pas couvrir les coins. Tu ne peux pas faire ton coin comme ça, là, en angle de 90. Tu faisais un coin en rond pour que le pauvre vienne ramasser le restant. Il y avait des règles pour que le pauvre puisse avoir de l'aide, avoir de manger dans la société. Puis soit qu'ils soient obligés de mendier. Donc il y avait des règles de toutes sortes de façons que tu pouvais faire. Comme quelqu'un pouvait passer du long du chemin et ramasser des épis de maïs, des épis de blé, comme les apôtres ont fait avec Jésus. C'était une règle aussi. Si tu as faim, tu passes, tu t'en vas, tu passes sur un champ de blé, tu peux le ramasser. Tu mets dans ta bouche, tu peux manger. Mais tu ne peux pas. Tu peux pas, le gars à qui ça appartient, tu ne peux pas te voir comme un voleur. Ça faisait partie d'affaires. Donc, c'est vraiment une des dernières exhortations qu'il fait. Il recommande aux chrétiens riches d'être libéral, d'être généreux, de bien faire avec ça. Et maintenant, ça veut dire quoi, être riche? Chacun de nous a ses façons de le définir. Mais je pourrais vous rendre un témoignage de gens que je connais qui sont, que nous on appellerait riches, et qui donnent. L'Église fonctionne à travers le monde à partir de ce que ces gens riches-là donnent. C'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est, nous, on donne, en tant qu'Église, on donne 1000, 2000 piastres par année pour les missionnaires. Vraiment. C'est pas nous qui font fonctionner l'Église. On aide tout le monde, mais c'est les gens riches qui font fonctionner l'Église, les chrétiens riches. Les autres, ils vont donner par millions, par millions, par millions. Moi, je connais un homme qui donne de l'argent pour 30 missionnaires. Tout seul. Il fait juste 30 missionnaires. Il fait vivre. Parce que 30 missionnaires à 50 000 piastres chaque, mettons, là. Ça veut dire 1 500 000 seulement. C'est un homme qui donne des millions par année. Donc, il y en a des millions qu'on a donné. Mais il fait ce qui est marqué ici. Sois généreux de ce que tu as. Partage-les avec ceux qui n'en ont pas. Donc, automatiquement, il encourage à de ce sens-là. Donc, tout ça d'entre nous, vraiment, comment on définit ça, c'est quoi un homme riche? C'est quoi une personne riche? Mais il dit, si tu es riche, dans la Bible, dans le temps de Paul, savez-vous, c'était quoi un riche? Un riche, c'est quelqu'un qui il en avait de trop. Même s'il avait juste 2 piastres de trop, il était riche. C'était pas quelqu'un qui. Nous, on voit des riches millionnaires. On pense aux millionnaires quand on pense riche aujourd'hui. Mais c'était pas. Dans ce temps-là, c'était quelqu'un de riche, c'est quelqu'un. Un pauvre, c'est quelqu'un qui n'avait pas le nécessaire. Pas le nécessaire de la vie. La nourriture, le manger qu'on a vu tout à l'heure, là, il n'avait pas ça. Le riche, lui, il avait mangé, s'était couché, il avait sa maison, il avait le ventre plein, puis il en restait. Et bien, t'es riche, toi. C'est ça, les riches, dans ce temps. C'était pas juste les gens qui étaient dans des châteaux, là. Okay? Nous, si on dit quelqu'un de riche aujourd'hui, on le dit quoi, là? Si on demanderait à toi, c'est quoi une personne riche aujourd'hui? Notre définition, c'est probablement pas la même. On a une tête, mais il y a certains d'entre nous, on ne dirait pas à cause qu'on a 5000 piastres en banque qu'on est riche. On ne dirait pas ça. Pourtant, dans la Bible, tu as été considéré riche parce que tu notes de trop. Qu'est-ce que tu fais avec ton 5000? Est-ce que tu aides quelqu'un qui en a pas en doute? C'est dans ce sens-là. Donc, il termine en disant à Timothée, au verset 20, « Garde le bon dépôt, évite les discussions vaines et profanes et les disputes de la fausse science dont font profession quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi, que la grâce soit avec vous. » Donc, il encourage Timothée à rester. Il a commencé avec ça dans le chapitre 1, les 20 discours, les cours discours profanes, et il termine avec ça. Garde-toi de cela et continue à croire à l'Évangile. Ne te détourne pas de la foi que tu as reçue de Paul et continue à la prêcher tout simplement dans ce sens-là. Donc, c'est tout un. Comme je vous l'avais déjà dit ailleurs, hein, la plupart des épîtres sont écrits parce qu'il y avait des problèmes doctrinaux, non pas des problèmes moraux. Nous, on prend la Bible pour prêcher moralement, souvent, enfin des sermons, comme on dit en québécois. Mais c'était pas le but des épîtres. C'est ce qu'il y avait. Tout d'un coup, il surgissait dans l'Église des faux docteurs, des fausses doctrines, et ils écrivent les épîtres en fonction de ça en général. 1 Corinthiens, la pire église, ne croyait plus à la résurrection. Donc, à partir de là, ça avait causé un paquet de problèmes dans l'église. Paul va régler ça. D'autres, ils croient que le Seigneur ne viendra pas, il est déjà venu. D'autres, c'est d'autres choses. Donc, si on règle les problèmes doctrinaux, souvent, on va régler les problèmes moraux avec le temps. Okay? Et ça va se faire beaucoup plus doucement, beaucoup moins obligé de mettre de la pression ou de la culpabilité sur les gens. Donne-leur de l'information, donne-leur la compréhension de ce qu'ils vivent, et automatiquement, ils vont vouloir faire quelque chose. Parce que moi, je crois, c'est ma croyance fondamentale, je crois que les chrétiens veulent faire la volonté de Dieu. Ils veulent marcher avec Dieu. Ils veulent vivre pour Dieu. Ils veulent glorifier Dieu. Et maintenant, c'est de s'encourager mutuellement à le faire. Ce n'est pas de se taper sur la tête pour qu'on le fasse. C'est de s'encourager mutuellement. Et la plupart des chrétiens, si tu ne veux pas faire ça, ben là, je te dirais, tu n'es peut-être pas un chrétien du tout. Si c'est pas ça ton désir de glorifier Dieu, d'aimer Dieu, de mettre un problème peut-être à quelque part, là. Donc, dans ce sens-là. Donc, on termine ainsi notre épître à Timothée. Et comme on l'a dit tout à l'heure, on va arrêter.